empêche l'avenir. J'ai foncé sans me passer pour y faire passer l'avenir. Parle peu, car y'a beaucoup de choses qu'on regrette. Concrètement, tu peux te faire fumer après ton grec. Là, je suis rabat, ça fout là, mais je pèse la justice. Ramène de taille de champagne, et puis la femme à Will Smith. Je mise pas cher de ma peau. Napo, l'étain, Alger, c'est mon drapeau. Braco, bravo, je suis un homme grave. Mon cœur, il est en travaux. Les MC sont des travelots, ils font pas peur d'eux-mêmes. Hein, tant mieux, je tire sur les vrais hommes et crache sur les rappeurs de merde. Leur produit Kalachnikov, on ne sort pas. Cherokee a pris un casque, bébé, je te croise et puis je t'écrase en Cherokee. Ne parle pas, c'est avec moi, surtout si j'ai pas pris l'herbe. J'ai les couilles barcelonaises et ta mère est bien madrid. Qui connaît la rue, la crème, qui l'a fait, la crème, qui te la met, la crème, la devise, la crème. Je représente des jeunes hommes avec des grosses couilles. Oh, c'est bon, les couilles pleuvent, ouais, tu n'as pas de la crème. Qui connaît la rue, la crème, qui l'a fait, la crème, qui te la met, la crème, la devise, la crème. Je représente des jeunes hommes avec des grosses couilles. Oh, c'est bon, les couilles pleuvent, ouais, tu n'as pas de la crème. Ok, je suis dans l'espace, je regarde vos espaces. Je remarque que ceux qui parlent de moi ne me connaissent pas. Laisse pas, si je mets la gomme, système en R8. Fais l'air, fais peur comme le projet de Blair Witch. Je tire sur tout le monde, je ne repère plus nos cibles. Je suis docile, génocide, le carnal à mes suites hostiles. Non, je me suis trompé, le carnal à mes si imbécile. Car même tes sentiments sont imprécis, la technique du Brésil. Je veux ma paye, sans barre, le suffice pas. 22 piges, j'ai fait 10 fois les vrais styles. Donc pour me satisfaire, il me faut des belles femmes. Et puis j'ai réfléchi, si je veux la guerre comme ma belle face. Les faces, je nique vos faces. Merde, coup de colère, je braque, je maîtrise le merde. Fort mes convictions, je fonce comme un missile de mer. Je t'émerde, tu caches comment si c'est. Qui connaît la rue, la crème, qui l'a fait, la crème, qui te la met, la crème, la devise, la crème. Je représente des jeunes hommes avec des grosses couilles. Au secours, les couilles pleuvent, ouais, de la part de la crème. Qui connaît la rue, la crème, qui l'a fait, la crème, qui te la met, la crème, la devise, la crème. Je représente des jeunes hommes avec des grosses couilles. Au secours, les couilles pleuvent, ouais, de la part de la crème. Naissance, décès, argent, facile. Essence blessée, un tas de gens fascinent. Ambulance, SAMU, ma croisière s'amuse. 2 millions d'euros cash, nique ton père et salut. Algérie, pouvoir, ma chérie, pourvoir. Laisse les faire, ils craindront pas, j'ai le charisme d'un youvois. Je suis en concert à Broadway, les autres dans une cave. Mes petites bêtes, venir me tester, il te manque une cave. Roumaine, croate, serbe, italienne. Gros fer, grosse liasse, E19, je monte à Liège. Non, te laisse pas faire, tu t'en sors malgré toi. Porte tes couilles, sors de la merde, pour le resto. Étoile, le quartier, Bagdad, garde à vue, dépôt, placard, parloir,